Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Terroigne de Méricourt, l'Amazone de la Révolution française. En mai 1789, la nouvelle court dans toute l'Europe. Le roi de France a convoqué les états généraux. Le tiers état va prendre la parole. Un vent de liberté souffle en France. Comment résister à l'appel? Anne-Joseph Terroigne, dite Terroigne de Méricourt, ne résiste pas. Persuadée, dit-elle, que la justice et le bon droit sont du côté du peuple. Cette fille de paysan de la région de Liège, qui à 27 ans a déjà un long passé d'aventure, part pour Versailles et s'engage avec enthousiasme dans la Révolution française. D'abord en auditrice assidue de l'Assemblée nationale, cette féministe avant la lettre, fière dans son habit d'Amazone, prend la parole pour réclamer l'égalité. « Brisons nos fers, il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. » Mais Terroigne de Méricourt, comme toutes celles qui ont l'audace de faire entendre leur voix, sera bientôt balayée par la folie révolutionnaire, violentée, internée, calomniée, pute patriote, catin du peuple, bacchante sanguinaire, amante du carnage. Rien ne lui sera épargné. « J'étais femme », dira Terroigne de Méricourt, « voilà le grand inconvénient aux yeux de l'autre sexe. » France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Dominique Godinot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure à l'université de Rennes 2. Votre domaine de recherche, c'est justement la Révolution française et les femmes. Mmh. Alors, parmi celles qui ont compté, on connaît surtout Olympe de Gouges ou Madame Roland, ou encore pour des raisons différentes, la reine Marie-Antoinette. Terroigne de Méricourt est moins connue. Quelle place occupe-t-elle dans la mémoire de la Révolution française? Alors, je crois qu'on peut dire que d'abord, que c'est aujourd'hui que Terroigne de Méricourt est moins connue. Parce que au 19e siècle, elle représentait vraiment pour les hommes et les femmes du 19e siècle la révolutionnaire. Olympe de Gouges n'était pas très connue à l'époque, presque pas. Et donc c'était Terroigne qui représentait la femme qui s'engage en politique et qui en même temps demande aussi une certaine égalité. Vous avez cité Terroigne, amante du carnage, hein, c'est Baudelaire qui la qualifie ainsi, étrange, hein. Oui, c'est mot étrange, j'avais raison, mais qui disent bien la façon dont elle était perçue à ce moment-là. Et puis, bon, la mémoire a un peu oublié, d'autres femmes ont pris le devant de la scène et on l'a oublié. En m'intéressant à l'histoire de cette femme, ce qui m'a surprise, avant même, bien sûr, son engagement en 1789 sur la scène révolutionnaire à Versailles puis à Paris, c'est son passé déjà. Alors, pouvez-vous nous rappeler, Dominique Godinot, quelle a été sa vie jusqu'à ses 27 ans, une vie assez riche en aventures heureuses ou malheureuses d'ailleurs? Oui. D'abord, il faut le rappeler, comme vous l'avez bien dit, que son vrai nom, ça n'est pas Terroigne de Méricourt, mais c'est Anne-Joseph. Son prénom, c'est Anne-Joseph. Et Terroigne, c'est son nom de famille. De Méricourt, parce qu'elle est née dans le petit village de Marcourt, hein, dans la principauté de Liège, donc il faisait partie de l'Empire des Habsbourg, et bon, dans une famille de paysans assez aisés, hein, mais... Quand même des paysans. Des paysans, oui. Hein, c'est pas les plus pauvres des paysans, mais des paysans. Sa mère meurt quand elle est assez jeune, elle a 5 ans, je crois, et bon, elle est assez malheureuse, elle est élevée par des tantes, une belle-mère, mais ça se tombe pas bien, très bien, et elle va donc quitter la maison familiale, assez jeune, à 15 ans, et elle s'engage d'abord comme dans une ferme, elle va garder des vaches, ensuite comme servante à Liège. Et puis là, elle va ensuite entrer au service d'une femme aisée, de la bourgeoisie, qui va s'attacher à elle, va parfaire son éducation, va s'occuper d'elle et va l'emmener avec elle quand elle part en Angleterre. Alors c'est une femme en effet qui a beaucoup voyagé, qui a travaillé, qui a vécu aussi avec plusieurs hommes sans être mariée, ce qui peut nous sembler assez étonnant, enfin pour une femme du 18e siècle. Oui, alors ça arrivait plus souvent peut-être qu'on ne l'imagine, mais c'est vrai que... On a un petit peu la référence du 19e, oui, un peu bourgeois. Exactement. C'est exactement ça. Hein. Là en fait au 19e c'était peut-être plus courant qu'on ne le pense aujourd'hui. Cela dit, là où Terroigne est quand même, enfin Terroigne de Méricourt est quand même particulière, c'est que c'est une femme, vous l'avez dit, d'origine populaire, et elle a vécu avec des hommes très riches, hein, pratiquement maritalement. Enfin, c'était la compagne d'un très riche Anglais avec qui elle a eu une fille, qui, lorsqu'ils se sépareront, lui donnera une somme d'argent assez importante, une rente. Hein. Elle a été, elle devait être très belle, hein, puisqu'il y a aussi un marquis français qui était fou amoureux d'elle et qui lui a créé aussi des rentes. Donc, ce qui fait qu'elle vit oui, elle a une vingtaine d'années et elle vit plutôt dans l'aisance. Hein. Et elle en profite d'ailleurs pour voyager de nouveau. Et elle a des velléités artistiques aussi. Elle veut devenir chanteuse d'opéra. Oui, à un moment, elle est en Italie, à Naples, à Gênes. Elle veut chanter. Absolument. Elle aime beaucoup la musique. Elle veut devenir cantatrice. Et bah, le lieu de la musique à l'époque, hein, c'est vraiment l'Italie. Donc, elle va voyager en Italie aussi. Et donc, ce moment extraordinaire, en 1789, elle apprend que en France, il y a une espèce de début de révolution et elle part. C'est complètement extraordinaire quand même. Oui. Ça montre bien aussi l'onde, hein, l'onde de choc de la nouvelle de ce qui se passait en France. Alors, Dominique Godino, on reprendra cette discussion, si vous le voulez bien, tout à l'heure, à propos donc de Théroigne de Méricourt et de la place des femmes dans la Révolution française, tout de suite. Théroigne de Méricourt, l'Amazone de la Révolution française. Un texte de l'historien Hervé Loers, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Baptiste Guiton. Cet air de Mozart est prodigieux. Je ne m'en lasserai jamais. Ce n'est pourtant pas le chant qui remplira ma vie. Ce n'est pas lui non plus qui me consolera de la mort de mon enfant, de mon adorée petite fille. Rien ne m'en consolera jamais. Je vais quitter l'Italie. Gênes ne me séduit plus. Le seul théâtre qui m'attire, c'est Paris et Versailles. Dans les gazettes, on ne parle que de la prochaine réunion des États généraux, du bouleversement qui se prépare. Cela dépasse tout ce que les dramaturges ont pu imaginer. J'ai envie de vivre cette espérance au milieu des Parisiens, de revendiquer la liberté à leur côté. Voilà qui doit remplir une existence. Lorsqu'elle quitte Gênes, Anne Théroigne est âgée de 26 ans. De taille moyenne, elle a les cheveux châtains, des traits réguliers et de grands yeux bleus qui séduisent, tout comme son intelligence et sa vivacité. Bien que simple fille de paysan, la générosité d'un amant anglais lui a permis de mener une vie aventureuse à Paris, à Londres, puis en Italie. Désormais seule, mais dotée d'une belle fortune, elle retrouve la France en mai 1789. À peine arrivée, Théroigne est saisie par l'effervescence qui règne dans la capitale, malgré la disette qui menace. Elle lit les brochures politiques, elle fréquente les jardins du Palais Royal, devenu un haut lieu du débat public. Pour l'heure, elle n'a rien d'une héroïne. Le 17 juillet, lorsque Louis XVI et les députés viennent rassurer la capitale peu après la prise de la Bastille, elle n'est encore qu'une anonyme perdue dans la foule. Asseyez-vous, vous avez l'air épuisé. Épuisé, ça oui. Ça fait 3 heures que je marche. Mais quel bonheur. Tenez, un peu de vin. Merci. Vive la nation. Vive la nation. Quel spectacle. Oui, cette marche vers l'hôtel de ville est magnifique. Quel accueil pour le roi et les députés. Je n'ai jamais vu autant de Parisiens sur le bord des routes, au balcon, jusque dans les arbres. Et ces fleurs, ces cocardes. Ce doit être une fierté d'être française. Vous n'êtes pas du pays ? Non, je viens de la province de Liège. On y réclame aussi la liberté, mais notre prince évêque doit être un peu sourd. Ça peut changer, hein. Nos ministres l'étaient aussi, avec quelques coups de fusil, ils ont fini par nous entendre. Quelques coups de fusil qui ont fait tomber la Bastille. C'est vrai, c'est pas rien. À Versailles, ils n'ont rien vu venir. Je suis vraiment heureuse d'être à Paris. Et fière comme si j'étais française. Comme si j'y étais pour quelque chose. Oui, je comprends. J'espère seulement que les mois qui viennent nous coûteront moins cher en vie humaine. Espérons-le. Mmh. Oh, regardez. Quoi ? Regardez, là-bas, dans le cortège. Lui ! Vous le reconnaissez ? C'est le comte de Mirabeau. Quelle énergie ! Faut le voir monter à la tribune de Versailles, secouer sa chevelure poudrée, puis enflammer son auditoire. Un incroyable orateur. Et à côté, là, c'est Pétion. Un peu empâté. Bel homme quand même. Hein. C'est un jeune papa, vous en avez entendu parler ? J'ai lu son nom dans la presse. Il est de Chartres. J'ai eu l'occasion aussi de l'entendre à Versailles. Un sacré patriote, celui-là. Ah ouais. Un vrai défenseur du peuple. Bon, allez, ma belle, je vous laisse. Et là-bas, ces événements dépassent tout ce que je pouvais imaginer. Mais les héros du moment sont tous des hommes. Les vainqueurs du 14 juillet, Maillard, Hulin, le grenadier Arnay, ou les députés qui ont défié les ministres, Bailly, Mirabeau, Robespierre, Pétion. Aucun nom de femme, à part celui de la détestée Marie-Antoinette. Au mois d'août 1789, Mademoiselle Théroigne s'installe à Versailles. Chaque jour, elle se rend dans les tribunes de la salle des menus plaisirs où siègent les états généraux devenus Assemblée nationale. Elle écoute les orateurs, se passionne pour les débats, discute avec des députés et se forge des convictions démocratiques. Elle ne passe pas inaperçue dans son originale tenue de cavalière, un costume d'Amazone, rouge, noir ou blanc selon les jours. Par contraste avec son ample jupe, sa veste, presque masculine, paraît la rapprocher des hommes de la Révolution. Au fil des semaines, elle se lie d'amitié avec Jérôme Pétion, l'un des principaux orateurs démocrates. Le 5 octobre 1789, à la tribune, il ne mâche pas son impatience à l'égard du roi. Cela fait 6 semaines que notre déclaration des droits a été votée. Et le roi ne l'a toujours pas acceptée. Il n'est plus temps de discuter. Oui, Louis XVI ne peut pas refuser un texte constitutionnel. Et la déclaration des droits en est un. Il ne peut pas aller seul contre le vœu de tous. On dit qu'il y a un contrat social entre le roi et la nation. Je nie ce principe. Le roi doit gouverner suivant les lois que la nation lui présente. Je demande que cette règle lui soit rappelée par une adresse qui lui sera porté par le président et une députation de l'Assemblée. J'aime entendre cette fermeté patriotique, cette vertu à l'ancienne. Par moments, je me croirais dans le Sénat de Rome, aux grandes heures de l'Antiquité républicaine. Cette Assemblée est un théâtre extraordinaire et certains de ses acteurs sont de vrais Romains. C'est aussi une formidable école de la politique. À écouter ces députés, à discuter avec eux, je me sens enfin devenir citoyenne. Je ne suis plus la même. Ce 5 octobre 1789, des centaines de Parisiennes, portant des rubans tricolores, arrivent à Versailles à pied, malgré la pluie. Elles réclament du pain et la punition de soldats soupçonnés d'avoir piétiné la cocarde nationale. À l'Assemblée où elles sont accueillies, la séance, longue, incertaine, se termine par quelques mesures destinées à les apaiser. Il est 11h du soir quand enfin les députés et le public quittent la salle. Quelle séance, mon cher Pétion. Et la ville paraît aussi agitée que l'Assemblée. Il y a tant de monde dans les rues. Habituellement, à cette heure, Versailles est endormie. En tout cas, c'est vraiment aimable de me raccompagner. Je préfère ne pas vous laisser seule. Je crains que la nuit ne soit troublée. Les décisions de l'Assemblée ont été si timides. La journée aura au moins permis d'arracher au roi l'acceptation de la déclaration des droits. C'est vrai. Et sans la pression des Parisiennes, les choses auraient été moins rapides. Ce 5 octobre me fait penser au 14 juillet, quand la rue a fait céder le roi. Sans la prise de la Bastille, il n'aurait jamais éloigné les troupes qui menaçaient Versailles et Paris. L'Assemblée n'existerait sans doute plus. Vous n'étiez pas à Versailles ce jour-là ? Non, j'étais encore dans la capitale. Déjà en Amazone ? Oui, depuis le 17 juillet. Grâce à mon habit, on me regarde différemment. En Amazone, j'ai l'impression d'être citoyenne avant d'être femme. Le costume me donne un peu de cette égalité que les lois me refusent, comme à toutes celles de mon sexe. Allons, allons, personne ne vous conteste le titre de citoyenne. Je n'en suis pas si sûre. Cela dit, quand je vois ces Parisiennes marcher vers l'Assemblée, leur détermination, je me dis que nous sommes nombreuses à être vraiment citoyennes. Sans doute. Vous avez des nouvelles de votre fils ? Le petit homme se porte bien, même si je regrette de ne pas le voir grandir. Mais nous voici rue de Noailles. Vous êtes chez vous. À demain, toujours à la tribune numéro 6. J'y serai, comme chaque jour. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Le lendemain, 6 octobre 1789, des Parisiennes forcent les portes du château de Versailles, malmènent les gardes et menacent la reine. Pour calmer la foule, le roi et sa famille sont contraints d'aller s'installer à Paris. L'assemblée s'y établit à son tour, tout comme Thérouanne. Au fil des jours, elle attire l'attention de nombreux journalistes. Raillée par la presse aristocrate, elle est en retour célébrée par les auteurs patriotes qui la transforment en icône révolutionnaire. En février 1790, alors que Louis XVI paraît se rallier à l'œuvre constitutionnelle, Mademoiselle Thérouanne est devenue un véritable personnage politique. J'en ai connu de belles séances, mais celles de ce 4 février 1790 les surpassent presque toutes. Voir le roi entrer au milieu des députés, vêtu d'un simple habit noir, l'entendre dire sa fidélité à la Constitution, puis prôner la paix, l'union et le bonheur, quelle heureuse surprise! Même si la Révolution, c'est vrai, est loin d'être terminée. Incroyable, n'est-ce pas? Entendre Louis XVI soutenir l'Assemblée! Cette fois, la Révolution a franchi un pas décisif. Oui, et ce qui fait encore plus chaud au cœur, c'est de voir les députés se lever comme un seul homme, prêter serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Les journalistes des Actes des Apôtres en seront furieux. Ces scribouillards crieront à la trahison et ils en profiteront pour nous accabler de leur ironie. D'ailleurs, vous avez vu, ce journal parle de vous. Peu de femmes ont cet honneur. Allez donc, dans leur page, je suis plus femme que citoyenne. Ils n'ont de cesse de me ridiculiser en racontant mes élans supposés pour votre collègue, Populus, tout ça parce que son nom résonne comme peuple. Et ils s'en amusent, ces sots. Un jour, je m'évanouis dans les bras du député Populus. Un autre, je pose un regard plein de tendresse sur ce brave Populus. Il faut en rire. C'est la rançon de la célébrité, Thérouanne. Votre patriotisme est maintenant aussi remarqué que vos costumes. Je n'ai pas voulu une telle reconnaissance. Je sais. Tiens, voilà votre ami, Gilbert Rome. Il continue à vouloir apprendre les droits de l'homme à son élève, le prince Stroganov. Chut! Ne prononcez pas ce nom. Ici, il s'appelle Paul Hotcher. Si la tsarine Catherine II avait vent de ses fréquentations, le prince serait vite rappelé à Saint-Pétersbourg. Comment allez-vous, Rome? Et comment se porte votre élève? Il est heureux, comme moi, comme tout patriote. Comment ne pas l'être aujourd'hui? Et votre société des Amis de la Loi? Est plus active que jamais. Bah oui. Nos idées, vous le savez, rejoignent aussi les vôtres. Nous serions enchantés, Pétion, de vous y accueillir. Mais oui, venez. Nous nous réunissons chez moi. Les séances sont bonnes enfants, mais en même temps très sérieuses. En ce moment, ce qui nous inquiète, ce sont les menaces contre la liberté de la presse. Oui, d'ailleurs. Avec Gilbert Rome, Thérouanne anime la Société des Amis de la Loi, d'une vingtaine de membres à peine. En février 1790, elle propose d'ouvrir une souscription pour la construction d'une majestueuse assemblée nationale à l'emplacement de la Bastille détruite. Danton, le président du district, a été vraiment charmant et ma motion a reçu un bel accueil. La célébrité n'a pas que de mauvais côtés. Que d'applaudissements. En plus, ces braves cordeliers sont attentifs à la voix des femmes. Ils ont même déclaré leur tribune ouverte à toutes celles qui, comme moi, souhaiteraient faire des propositions avantageuses à la patrie. Été 1790. La liégeoise Thérouanne symbolise pour les uns l'ardeur patriotique, l'universalisme des droits de l'homme et pour d'autres, le ridicule d'une femme qui prétend discuter politique. Les journaux contre-révolutionnaires, surtout, l'abreuvent de moqueries et même de calomnies. C'est absurde, cher Rome. Totalement absurde. Les juges du Châtelet me rendraient responsable des violences d'octobre? Ils me menaceraient d'un décret de prise de corps? Comme si j'y étais pour quelque chose dans l'envahissement du château de Versailles. Des témoins assurent vous avoir vu haranguer les Parisiennes, les pousser au crime. C'est incroyable. Et les calomnies lancées par les Actes des Apôtres le sont tout autant. Et elles sont bien plus blessantes. Ce journal est abject, je sais. Mais aucun patriote n'est épargné. Sans doute. Mais les femmes ne sont pas atteintes de la même manière. Pour déconsidérer un homme, on dit qu'il est fauteur d'anarchie, démagogue, qu'il est un nouveau Ravaillac. Pour abattre une femme, on la dépend en catin. C'est désespérant. Ces ragots, ma chère, n'ont aucune importance. Vous en parlez à votre aise ? Ce n'est pas ce que je veux dire. ce que... Je sais. Il n'y a pas de malentendu entre nous, mais... Comprenez. Me dépeindre en femme sans mœurs, en libertine, c'est dégradant. De toute façon, avec cette menace d'arrestation, je ne peux plus rester à Paris. Je vais repartir dans mon pays de Liège, au moins quelque temps. Toute cette fureur me déprime. Début 1791, Théroigne n'est plus en France. Ses amis parisiens ont perdu tout contact avec elle. Pourtant, la pression sur elle ne se relâche pas. À Paris paraît sous son nom un catéchisme libertin. Ouvrage, je cite, « à l'usage des putains et des jeunes demoiselles qui se décident à cette profession ». Et la nuit du 15 février 1791, alors que Théroigne séjourne dans une auberge, l'auberge de la Bovrie près de Liège, trois hommes se présentent, réveillent l'hôtelier et se font conduire à la chambre de Théroigne. Mademoiselle Théroigne. Mademoiselle Théroigne, réveillez-vous. C'est urgent. Qui êtes-vous? Qui vous a permis? Je suis un ami. Monsieur Legros. Je vous connais pas. Vous êtes en danger. Avec mes compagnons ici présents, monsieur Legras et monsieur Lechou. Bonjour. Nous venons vous mettre en sécurité. Comment ça? Les aristocrates sont sur vos traces. Ils ne vont pas tarder. C'est impossible. C'est la triste vérité. Ils veulent se venger du complot d'octobre 1789 contre la famille royale. Vous risquez l'extradition vers Paris pour être jugé par le Châtelet, voire pire encore. Pire que ce tribunal inique? Nous vous mettrons à l'abri. Mais il faut partir. Tout de suite. Mais pour aller où? En lieu sûr. Vos amis comptent sur nous. Ne perdons pas de temps. Et n'oubliez pas vos lettres et vos papiers. Allez, s'il vous plaît. Il ne faut laisser aucune trace. Messieurs, gras. Le chevalier Ménard de Lavalette, alias Monsieur Legros, vient d'enlever Théroigne de Méricourt. Avec ses deux complices, le noble émigré est en passe de réussir sa manœuvre, commanditée par Merci Argenteau, le représentant de l'Autriche à Bruxelles. Lorsque Théroigne comprend ce qui lui arrive, il est trop tard. Une voiture l'emmène à vive allure vers une destination inconnue. À Paris, on me menaçait du tribunal du Châtelet, à Liège, cette fois, on m'enlève. Et avec quelle perfidie! Mes prétendus sauveurs ne sont que de fiefs et menteurs. Comment ai-je pu me laisser berner? Rien que leur nom aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le Gros, le Gras et le Chou. La ruse était grossière. Ils doivent me croire totalement sotte. Me voici enfermée dans cette voiture, sans savoir où l'on me conduit. Et ces monstres qui me regardent, qui sourient. Hé hey, vous avez dormi, mademoiselle? Même bien dormi, c'est un privilège de la jeunesse. Plutôt le privilège de la probité. Oh, vous ne manquez pas d'aplomb. On reconnaît la meneuse des journées d'octobre 89, n'est-ce pas, messieurs? Vous vous trompez. J'habitais Versailles. Et c'est là que vous avez accompagné les insurgés au château, le matin du 6 octobre. On vous y a vu en costume d'Amazone. Vous êtes aussi mal renseigné que les juges du Châtelet. Les témoignages sont nombreux. Et vous ne pourrez pas nier l'évidence. Vos papiers vous trahiront aussi. Votre responsabilité est grande. Ma responsabilité? Et celle du roi qui ne voulait pas autoriser la déclaration des droits de l'homme? Et celle de la reine qui s'entourait d'ennemis de la nation? Je n'y suis pour rien dans la journée du 6 octobre. Mais si vous voulez savoir ma façon de penser... Nous la connaissons. Je vous la dis quand même. Ces femmes ont eu raison de se soulever. Elles ont eu raison d'entrer dans le château et d'emmener le roi et sa famille à Paris. Voilà. Et maintenant, fichez-moi la paix. Suffit. Vous finirez par avouer. Si ce n'est dans cette voiture, ce sera dans les prisons de l'empereur. Vous, un Français, livrer une femme aux Autrichiens? C'est glorieux. Avec des défenseurs comme vous, l'ancien régime n'a guère de chance de renaître. Et... Oh, calme. Détenu au château de Kufstein dans le Tyrol, Théroigne est longuement interrogé sur sa participation aux journées d'octobre, mais aussi sur les convictions des députés, sur les rapports de force à l'Assemblée ou dans le club des Jacobins. À l'isolement, la jeune femme occupe son temps à écrire ses confessions, mais elle souffre de solitude et d'angoisse, s'affaiblit, tombe malade et par moments croit perdre la raison. Tout m'ennuie. Tout me paraît si long, si vide. Quand je suis arrivée, les sommets des Alpes étaient encore blancs de neige. Avec l'été, je ne vois plus que des montagnes couronnées de pierres grises et nues. Comme ce paysage est triste. Il paraît que le juge veut encore m'entendre. Il pose toujours les mêmes questions. Ça ressemble à un mauvais rêve, à un cauchemar sans fin. Mais au fil des mois, les accusations tombent les unes après les autres. Emmenée à Vienne, où elle est de nouveau interrogée, Théroigne est finalement libérée à la fin de l'année 1791. De retour à Paris, la jeune femme est accueillie en héroïne. Elle retrouve ses amis, Pétion, devenu maire de la capitale, et Rome, désormais députée à l'Assemblée législative. On lui cède la tribune, où elle ne se contente pas de raconter ses malheurs. Pugnace, elle prend position dans le débat sur l'opportunité d'une guerre contre l'empereur d'Autriche, le frère de Marie-Antoinette, que l'on soupçonne de vouloir interrompre la Révolution. Alors, mon ami, on m'a assuré que vous aviez enflammé les Jacobins et qu'ils étaient tous prêts à prendre les armes contre l'Autriche ? C'est vrai. Emmanuel, votre nouveau procureur de la commune, a fait l'éloge de mes vertus viriles. C'est un compliment. Je n'en doute pas, mais avouez, c'est cocasse. Que voulez-vous ? Les Jacobins ne sont pas habitués à voir une femme revendiquer la guerre, ça surprend. Une guerre contre l'Autriche ne peut qu'être victorieuse. Après cela, Louis XVI serait bien obligé de se montrer fidèle à la Constitution. Il n'aurait plus rien à attendre de son beau-frère l'empereur. Vous avez peut-être raison. Mais Robespierre est hostile à toute guerre offensive, vous savez. Le débat n'est pas fini. Mars 1792. Tandis que l'idée d'une offensive contre l'Autriche progresse, au club des Jacobins comme à l'Assemblée législative, Théroigne se convainc de plus en plus que les femmes aussi ont un rôle actif à jouer dans cette guerre. Vous avez lu L'Esprit français, le dernier imprimé d'Olympe de Gouges ? Non, Pétion, mais je sais que sa brochure a été présentée à l'Assemblée. Je ne partage pas toutes ses idées. Mais je dois avouer que son analyse de la Constitution de 1791, son énergie et son patriotisme m'impressionnent. Sans doute. Mais le vrai problème, c'est celui de la guerre. Faut-il attaquer les premiers ou bêtement attendre que les Autrichiens nous attaquent ? Et il faut décider aussi qui va partir au combat. J'ai ma petite idée là-dessus. Rome et moi sommes impatients de l'entendre. Oui, vraiment. Alors je vous lis quelques passages de mon discours. Pour le reste, il faudra patienter un peu. Citoyennes, armons-nous. Nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu, ni en courage. Montrons à l'Europe que les Françaises connaissent leurs droits et sont dignes des lumières du XVIIIe siècle. C'est sérieux, Pétion. Françaises, je vous le répète encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées. Brisons nos fers. Il est temps qu'enfin les femmes sortent de leur honteuse nullité où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. Replaçons-nous au temps où nos mères, les Gauloises et les fières Germaines, délibéraient dans les assemblées publiques et combattaient à côté de leurs époux. Citoyennes, pourquoi n'entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes ? Prétendent-ils avoir seuls des droits à la gloire ? Non. Nous aussi, nous voulons mériter une couronne civique et briguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère, puisque les effets du despotisme pesaient plus sur nos têtes que sur les leurs. Oh. Eh bien, c'est un discours plein de chaleur. Et qui fera grincer des dents. Vous imaginez un bataillon de femmes, c'est ça ? Pas un bataillon de femmes, Pétion. Un bataillon de citoyennes. Ou mieux, un bataillon d'Amazones françaises. Oui, c'est comme ça que je les appellerais. À mon avis, Pétion voit juste. Vous ne convaincrez pas. Mais vous avez raison. Les hommes doivent aux femmes l'égalité, c'est une évidence. L'égalité leur est acquise. Non, Pétion. Vous savez que ce n'est pas vrai. La déclaration des droits n'offre qu'une égalité formelle. Regardez l'esclavage, qui n'a pas encore disparu. Et les pauvres, toujours exclus du droit de vote. Pour les femmes, c'est pareil. Non, je crois vraiment que Théroigne a raison. Mais ces revendications sont celles d'une républicaine. Et nous ne sommes pas encore en République. L'appel à former des bataillons de citoyennes, également lancé par les militantes Claire Lacombe et Pauline Léon, ne peut convaincre. Une fois la guerre déclarée à l'Autriche en avril 1792, quelques femmes portent pourtant l'uniforme. Dans la nuit du 9 au 10 août suivant, elles sont plus nombreuses à participer à la prise des Tuileries et au renversement de la monarchie, les armes à la main. Cette nuit-là, Thérouanne est l'une d'elles. Le jour s'est levé enfin et sur une victoire incroyable. Le château des rois est tombé et j'y ai contribué avec mon sabre et mes pistolets. Me voilà citoyenne combattante. Mais que de victimes de part et d'autre. Les images de la mort du journaliste Sulo m'obsèdent. Je détestais cet homme, il a calomnié les patriotes, il les a traînés dans la boue. Mais le voir assassiné, voir sa tête plantée au bout d'une pique, c'est affreux. Est-ce le prix à payer pour la liberté? L'entrée en République ne tardera plus maintenant. Mais elle aura coûté bien cher. 6 semaines de tensions extrêmes s'écoulent entre le 10 août et la première réunion de la Convention nationale, convoquée pour fonder un nouveau régime. Le 21 septembre 1792, Rome et Pétion votent tous deux l'abolition de la royauté. Mais tandis que Rome se range aux côtés des Montagnards, Danton et Robespierre, Pétion se rapproche des Girondins, Brissot et Vergniaud. Les Républicains se divisent. Au printemps 1793, 3 mois après le procès du roi, l'opposition entre la Montagne et la Gironde est devenue irrémédiable. Eh bien... Je vous avais prévenu, Rome. Ma chambre de la rue Saint-Honoré ne ressemble guère à mon ancien appartement. Il faut vivre selon ses moyens. Les miens ne sont plus ce qu'ils étaient. Entrez. L'austérité est une belle vertu républicaine. Elle ne me pèse pas. Asseyez-vous. Ce qui me fait mal, ce sont les divisions de la Convention. Depuis l'entrée en République, et plus encore depuis l'exécution de Louis Capet, les amis d'hier sont parfois devenus ennemis. Tenez, Pétion. Ah, ne me parlez plus de ce factieux. Avec Brissot et les siens, ils ne pensent qu'à exclure Marat de l'Assemblée. Il est républicain pourtant, tout comme vous. Non, nous n'espérons pas la même République. Merci. Celle de la Montagne est démocratique et elle respecte les Parisiens. Elle n'en a pas peur et ne les calomnie pas. Pétion, lui, ne rêve que d'une république aristocratique. C'est douloureux de vous entendre ainsi. Mais c'est la révolution, Thérouanne. La république se mérite. Elle peut aussi se perdre. Si les divisions provoquent la guerre civile, les armées ennemies nous vaincront et tout sera perdu. Les Girondins n'auraient jamais dû envoyer Marat devant le tribunal révolutionnaire. Heureusement, il a été innocenté, mais ça ne changera rien. Le point de non-retour est atteint. Certains seront exclus de la Convention, ce sera eux ou ce sera nous. Je le regrette, comme vous. Mais c'est trop tard. Impossible de convaincre Rome, impossible de convaincre Pétion. C'est à croire que seules les femmes espèrent l'union et qu'elles seules peuvent encore sauver la Révolution. Quel espoir si dans chaque quartier, dans chaque club, les citoyennes appelaient à l'amitié et à la fraternité. La réconciliation de tous les patriotes, ce serait une énergie invincible à opposer aux tyrans coalisés. Ce serait la victoire contre l'Autriche, contre la Prusse, contre l'Angleterre, la victoire aussi contre nos ennemis de l'intérieur. En ce printemps 1793, tandis que la Vendée s'insurge, que les armées républicaines reculent aux frontières, que les républicains s'affrontent, c'est par une affiche bleue, signée de son nom et placardée sur les murs de Paris, que Thérouanne invite les femmes à rétablir l'amitié et la fraternité entre les citoyens. Mais pour beaucoup, elle n'est plus qu'une girondine à la solde de Brissot. Le 15 mai, alors qu'elle approche de la Convention, désormais installée au Palais des Tuileries, la jeune femme est prise à partie par un groupe de militantes sans culotte. T'es sûre, hey, je t'es sûre. Regardez qui arrive. C'est la belle Thérouanne. Ou plutôt la belle Girondine. T'as vu son dernier placard, tout beau, tout joli? Elle voudrait la fraternité avec les Brissot et les Pétions. Non mais puis quoi encore? Hé, hey, alors la coquine, on vient un peu dire que c'est coquin. Laissez-moi passer. Ah, tu faisais moins la fière en juillet 1789. Tu te souviens pas de moi? Le 17 juillet, le voyage du roi à Paris. Ah, ça te revient, hein? À l'époque, tu te disais patriote. Je le suis toujours. Une aristocrate, oui. C'est pas une espèce qu'on apprécie beaucoup. Pas vrai, citoyenne? Ah, c'est vrai. À bas les Girondins. À bas les coquins! On va t'éduquer. On va te rappeler les vrais principes. Tu vas voir. Cunu la Théroigne! La fessée! La fessée! La fessée! La fessée! La fessée! Après ça, on ne te verra plus dans les parages! Vous n'avez pas le droit! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Vas-y! Monsieur républicaine! Théroigne n'échappe pas à l'humiliante correction publique, déjà plusieurs fois infligée à des religieuses ou à de mauvaises citoyennes. Marat, qui approche de la Convention, interrompt le châtiment, rabroue les militantes et libère l'héroïne déchue. Mais le mal est fait. Profondément offensé, Théroigne demeure prostré de longues heures dans sa petite chambre. Désabusée, elle observe l'exclusion des Girondins de la Convention et la fuite de Pétion. Elle assiste à l'établissement du gouvernement révolutionnaire, à la lutte à mort contre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République. Bientôt, au début de l'année 1794, au temps de la Terreur, elle sombre par instants dans la paranoïa. Schlack, schlack. J'ai l'impression de l'entendre jusqu'ici. Le bruit sourd et humide de la guillotine. Schlack. Je les vois, ces têtes qui tombent dans le panier. Celles de Madame Roland et d'Olympe de Gouges. Et celles des Girondins, Brissot, Vergniaud, Cara. Ah, si je pouvais désarmer la mort. J'ai l'impression d'être en sursis. Mon tour viendra, je le sais. Je suis prête. Qui est-ce? C'est moi. C'est Rome. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Alors que Théroigne s'enfonce dans la folie, ses amis et connaissances disparaissent les uns après les autres. En avril 1794, Danton et Desmoulins sont envoyés à la guillotine. En juin, Pétion, las de fuir, se suicide d'un coup de pistolet dans la campagne bordelaise, où son corps est retrouvé, dévoré par les chiens ou par les loups. En juillet 1794, c'est le tour de Robespierre et de ses proches. Quant à Rome, demeuré fidèle à la montagne, il est arrêté l'année suivante. Rome en prison. Alors qu'il est la vertu incarnée, qu'il serait le meilleur des pères. Il paraît qu'il a perdu tout espoir. Condamné à mort, Rome échappe cependant à la guillotine par le suicide. Sur les marches du tribunal, le 17 juin 1795, il se perce la poitrine de deux coups de couteau. Non, ce n'est pas possible. Les meilleurs patriotes ne peuvent pas mourir. Personne ne peut en priver la France. L'idée de république est trop belle. Elle est bien plus forte que la mort, c'est sûr. Reconnue folle depuis l'automne 1794, Théroigne est enfermée dans différentes maisons parisiennes. Tantôt calme et abattue, tantôt furieuse et violente, elle paraît continuer à vivre comme si le temps s'était arrêté au plus fort de la Révolution. Dans ses délires, elle parle de Pétion, de Rome ou de Robespierre, comme s'il vivait encore. En mai 1801, Théroigne n'a pas 40 ans, mais en paraît 20 de plus. Elle a les cheveux courts, les joues creuses, le regard triste et vide. Elle confie à son médecin une lettre pour le gouvernement révolutionnaire, qui a pourtant disparu depuis plusieurs années. Tiens, citoyen, c'est pour Danton. Pour vaincre les rois. Tu lui donneras, dit. Tu lui donneras. Au revers du billet, le médecin a écrit « Cette lettre m'a été remise par Théroigne de Méricourt, détenue comme folle aux petites maisons à Paris rue de Sèvres, pour être remise à Danton, qu'elle croit toujours existant et régnant, ainsi que Robespierre, pour qui elle a toujours la plus grande admiration. » Je hais les rois et tout ce qu'on peut faire aux patriotes à cause d'eux. Le plus petit crime qu'on m'a fait chez moi, c'est pour m'empêcher d'écrire. Je prie les patriotes d'avoir à me défendre. J'ai eu une nuit si miraculeuse chez moi qu'elle ferait effroi à des pierres chez moi. Mais chez moi, les criminels sont morts. Il n'est jamais trop tard pour sauver la République. Terroigne de Méricourt, l'Amazone de la Révolution française de Hervé Loewers. Avec Terroigne de Méricourt, Juliette Alain, Pétion, Nicolas Gonzalez, Rome, Olivier Balazuc, Ménard, Antoine Sastre et Stéphanette Martelet, Charlotte Gouillon, Pierre-Benoît Varoclier et Paolo Handel. Bruitage Benoît Fèvre, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Manon Houssin, assistant à la réalisation Pablo Valero, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Juste après le disque, on reprend la discussion sur Terroigne de Méricourt et les femmes dans la Révolution avec mon invité Dominique Godineau. Agnès Obel sur France Inter, autant n'importe l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Serge Viguier. Dominique Godino, l'histoire de Théroigne de Méricourt, on l'a entendu, s'est terminée assez tragiquement. Elle passera les 20 dernières années de sa vie enfermée dans des hospices, des hôpitaux. Mais elle a commencé joyeusement en 1789, en tout cas l'histoire qui nous intéresse ce soir. Oui. C'est une initiation à la politique. Elle vit, quand elle arrive à Versailles, elle découvre les débats à l'Assemblée nationale, elle écoute, elle applaudit, et puis progressivement, elle va elle-même prendre la parole. C'est assez extraordinaire, cette initiation. Oui, c'est une initiation qu'ont connue aussi d'autres Français, et d'autres Françaises aussi. Oui. Hein. Alors c'est vrai, le personnage de Théroigne a plus d'éclat, peut-être de panache hein, aussi, mais c'est tout à fait juste, hein, cette atmosphère de joie hein, au début de la Révolution, même si, bien sûr, comme le montrait la fiction, il y a aussi des craintes. Hein, cette impression, puis qu'on retrouvera pendant toute la Révolution, malgré tout, que tout est possible. Oui, c'est ça, le tout se fait. Tout se fait. On va tout changer. Et on peut le faire. Elle a fait partie de ces femmes et de ces hommes qui se sont engagés, mais vraiment totalement, à fond, si vous me passez l'expression, hein, dans la vie politique, dans la Révolution, pour porter cet espoir. Il y a une chose qui est assez étonnante aujourd'hui, c'est son habit d'Amazone, tantôt blanc, tantôt rouge ou noir. Quelle signification a cet habit qui est moins anecdotique qu'il pourrait en avoir l'air? Oui, alors, l'habit d'Amazone, c'est un habit porté normalement pour monter à cheval. Bon, c'est une jupe hein, avec une veste un peu plus serrée qui peut rappeler les vêtements plus masculins. Alors, c'est une façon aussi de montrer qu'elle est libre, qu'elle ne... Alors, c'est peut-être pas pensé, mais qu'elle ne rentre pas peut-être dans tous les canons, dans la norme auquel on assigne les femmes. Vous savez qu'il y a un écrivain du XVIIIe siècle, Louis-Sébastien Mercier, qui a écrit que, par exemple, l'habit doit avoir un sexe, que les femmes ne doivent prendre aucun élément de l'habit masculin. Il y a un changement des codes entre les hommes et les femmes, un petit peu. Le changement n'a pas été si important. Ça, c'est quand même Théroigne. Hein. Les femmes ne sont pas habillées toutes en Amazone. Certaines se faisaient couper les cheveux, comme d'ailleurs Théroigne aussi. Hein. On disait à la Jacobine. D'ailleurs, on leur reprochera. Mais être habillée en Amazone, c'était quand même une forme d'audace. C'est une forme d'audace, tout à fait. Hein. Oui. Donc progressivement, Théroigne de Méricourt prend confiance en elle et elle va exprimer elle-même ses idées. Quelles sont ses idées politiques, justement? Elle est républicaine. Elle soutient à l'Assemblée, jusqu'au moins 93-94, elle soutient qu'on appelait le côté gauche de l'Assemblée. Ensuite, elle va se rapprocher de ce qu'on appelle les Girondins, mais pas sur tous les points. Par exemple, les Girondins défendent une politique plutôt de libéralisme économique, ce qui n'est pas le cas de Théroigne. Les Girondins s'en prennent aux sans-culottes parisiens, ce qui n'est pas le cas de Théroigne de Méricourt. Je pense qu'elle se rapproche d'eux parce qu'ils défendent l'entrée en guerre, et elle aussi, comme beaucoup d'étrangers habitant à Paris, elle est favorable à l'entrée en guerre. Et quelle est sa position par rapport aux femmes ? Elle écrit dans ses confessions qu'elle a toujours eu une conscience assez forte hein, de l'inégalité entre hommes et femmes dans la société. Et comme elle dit, elle a toujours été humiliée par cette inégalité. Et probablement aussi que les idées révolutionnaires d'égalité pour tous, le fait que la déclaration déclare que tout individu a des droits naturels qui lui appartiennent en tant qu'individu par sa nature d'individu, vont peut-être lui permet peut-être pas de radicaliser, mais de formaliser hein, ses propos, de les mettre en forme. On peut dire, comme vous avez dit, que c'est une proto-féministe hein, qui, en tout cas, se bat pour qu'il y ait plus d'égalité entre les femmes. Et puis, elle défend l'idée que les femmes doivent porter les armes, ce qui est assez étonnant. Oui, alors ça s'intègre hein, dans cette défense de plus d'égalité pour les hommes et les femmes. Pour nous, aujourd'hui, la citoyenneté est... C'est-à-dire, grosso modo, citoyenneté politique limitée au droit de vote. Pendant la Révolution, c'était le droit de vote et le droit de porter les armes. Alors, non pas à l'armée, ça c'est autre chose, hein, mais dans la garde nationale. Vous voyez, elle et d'autres d'ailleurs aussi ont demandé ce qu'on pourrait qualifier d'un droit, enfin, d'une entrée dans la citoyenneté, on va dire. Hein, c'est-à-dire en demandant le droit d'armer les femmes. Comment est-elle perçue par ses amis et par ses ennemis? Alors, par ses amis... Bon, ses amis, on quand même, hein, parce qu'on ne connaît pas très beaucoup d'amis féminines. On entend Pétion et Rome qui sont un petit peu hésitants sur ces grandes propositions. Rome, d'égalité. Et La fiction le montrait très bien, Rome un peu moins, parce que Rome est un des rares députés qui a défendu les droits politiques des femmes. Ils sont très peu nombreux. Ses ennemis, les royalistes, parce qu'elle se fait connaître donc dès les débuts de la Révolution, par ses idées, je vous ai dit plutôt, on dirait aujourd'hui à gauche, elle ne se cache pas, elle a une certaine notoriété, et donc il la traîne dans la boue. Elle est vraiment traînée dans la boue par les royalistes. Il l'injurie dans les tribunes de la Convention. Il la traite de putain. Ils en font un personnage dans la presse, dans les caricatures aussi, des caricatures obscènes. Une femme lubrique, sanguinaire. Dans un texte, il est dit qu'elle est offerte à tous les membres sikhs de l'Assemblée. Vous voyez ce qu'il peut y avoir derrière. Ce sont des attaques d'une grossièreté, d'une violence qu'on a du mal à imaginer. Au printemps 1993, il y a cet épisode de la fessée extrêmement humiliante pour elle. C'est à partir de ce moment-là, du moins on le pense, que Thérouanne de Méricourt va s'enfermer de plus en plus et peu à peu sombrer dans la folie. On a beaucoup parlé, glosé sur l'origine de cette folie. Comment l'expliquer justement? Est-ce que c'est le traumatisme de la terreur, la syphilis aussi, je crois qu'elle était atteinte de cette maladie, maltraitée à l'époque par le mercure. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette folie? C'est difficile, hein, bien sûr, parce que il y a eu cet enlèvement aussi rocambolesque, le fait qu'elle était enfermée pendant plusieurs mois dans cette forteresse, en Allemagne, en Bavière. Là, déjà, elle commence à montrer des signes de fragilité, peut-être, et puis qui sont accentués par la fessée, la densité aussi des événements révolutionnaires. Elle les a vécus, comme je vous disais, à fond. Et c'est pas quelques mois, c'est pendant des années. Après, il y avait certainement aussi une base de fragilité personnelle. Au-delà du cas de Thérouanne de Méricourt, Dominique Godinot, est-ce qu'on peut dire que son histoire est emblématique de la manière dont la Révolution française a traité les femmes? C'est-à-dire, au début, elles avaient la parole, on les écoutait, et puis progressivement, elles devaient rentrer à la maison, en gros. Oui et non, parce que, disons, là où elle est peut-être plus emblématique, c'est dans le fait que elle a pris la parole. Voilà. Et là, effectivement, il y a d'autres femmes, pas toutes, mais comme elles, ont pris la parole alors qu'on ne les attendait pas. Mmh. Les autres ont été guillotinées, Olympe de Gouges, Madame Roland. Oui, les plus connues, mais pas toutes. Hein, pas toutes, quand même. Oui, non, pas toutes, oui. Et elle est peut-être là où elle est emblématique, c'est de la difficulté pour une femme de se faire une place, de se faire plus que de se faire entendre et de se faire une place, d'être traitée à égalité, alors que la Révolution a ouvert la porte à des espoirs, évidemment, qui ne sont pas toujours pensés en des termes d'égalité homme-femme, mais quand même, des femmes disent, nous aussi, nous sommes citoyennes, nous aussi, nous voulons être citoyennes, nous aussi, nous voulons contribuer à la vie politique, et elles ne sont pas toujours bien accueillies. Thérouanne de Méricourt meurt le 22 juin 1817 à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Ce qui est étonnant, c'est que cette légende noire va se poursuivre au 19e siècle. Même Lamartine, un républicain, va contribuer à forger ce mythe de Thérouanne de Méricourt, mauvaise femme et violente. Oui, alors là je crois que Thérouanne de Méricourt représente le côté populaire de la Révolution au 19e siècle. Donc elle symbolise au 19e siècle, parmi ses membres des élites, la violence populaire, mais aussi, je crois aussi, la violence, la folie qui guette en fait toute femme qui sortirait des bornes que le 19e siècle dresse de façon encore plus importante qu'au 18e siècle aux femmes. Oui. C'est pas un hasard si les Goncourt, par exemple, ont écrit que... Les frères Goncourt, qu'elle était la première qui a voulu faire sortir son sexe du ménage et appelé à l'émancipation. Oui, les formules sont mesdames, n'allez surtout pas faire de la politique, vous êtes guettées par la folie. Voilà, je crois que c'était ça derrière aussi. Merci Dominique Godinot, vous êtes l'auteur, je le cite, de Citoyennes tricoteuses, les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, chez Perrin. Et vous avez participé au Dictionnaire des féministes, dirigé par Christine Barre, chez PUF. À lire également sur le sujet, Les femmes et la Révolution, de Christine Lebozec, aux éditions Passé Composé. C'est la fin d'Autant n'importe l'histoire pour ce soir. Cette émission et toutes les précédentes, vous pouvez bien sûr les réécouter ou les podcaster sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, une autre belle rencontre avec un écrivain journaliste qui a accompagné et vécu tous les tourments du XXe siècle ou presque, Joseph Kessel. En 1943, ce Français juif d'origine russe et longtemps apatride réussit à rejoindre Londres avec la ferme intention de se battre dans les rangs du général de Gaulle. Joseph Kessel s'engage dans la France libre, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.